non, ouais, on continue. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On poursuit. Non. Oh! Est-ce qu'on peut continuer? On recommence avec les deux. Oui. Deuxième prix. C'est comme ça. En direct des studios de CKRL, le 89.1 à Québec, dans le cadre du pré-radioton, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné. Fondu, ma Gaétan! Hey, non, mais on regarde à l'extérieur, le 1er avril, aujourd'hui, 1er avril. Ça fond! C'est merveilleux. Ah, ça sent le printemps. Ça bourgeonne. Dans ma tête, ça fait à peu près, ouais, presque 50 ans que ça bourgeonne. On s'en remercie. Hey, monsieur, comment ça va, Mère Grand? Ça va très bien! Heureux de vous retrouver ici en direct sur CKRL, le 89.1 à Québec, pour le pré-radioton avec une locomotive. Ouais, elle fonctionne, même pas, elle est pas comme ton scooter, mon Renal. Ah non? C'est une locomotive qui fonctionne à l'énergie et surtout à l'argent. Parce qu'il faut donner de l'argent. Et ça, c'est important. Très important. Sais-tu pourquoi? J'ai une petite idée. Quelle idée? Attends un peu, là. C'est une idée qui vient de... Est-ce farfelu? Non. Aucunement farfelu. Alors, c'est quoi? C'est une idée comme ça, abstraite? Oh, non, c'est très concret. 40 000 $ Oh, hey, t'es pas frileux? Oh, non, je suis pas frileux au niveau du portefeuille, moi. Pour qu'une radio soit heureuse, en santé et vivace, ça demande minimum 40 000. Et plus, c'est affinité. Hey, ça, on voit ça souvent, hein, c'est affinité. Ouais, l'annonce tassée. J'en ai tassé 3-4 avant de tomber sur elle. Là. Pas de photo, c'est quand même assez risqué, là. Hein? Tu t'en vas rencontrer quelqu'un, tu l'as jamais vu de ta vie. Puis il n'y a même pas de photo. C'est un point d'hétérogaussion. Tu te dis, voyons donc, toi, c'est assez. On parlait d'abstraction il y a quelques secondes, là. Est-elle aussi abstraite que ça? Ça fait peur, là, tu sais, si c'est une médium. Tu sais, puis elle parle des as, puis moi, je n'ai pas de discours, puis j'ai surtout pas de vocabulaire. Ça demande aujourd'hui un vocabulaire. Si tu l'as pas, le vocabulaire, t'as l'air d'un innocent, même si c'est juste pas une voiture. L'embrayage, voyons donc, toi. Je l'ai vu passer, l'embrayage, mais je l'ai pas arrêté. Elle était partie, tu sais, il suffisait. Comme disait Chaud, il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Mais là, l'embrayage, c'est... Est-ce que c'est tangible? Non, c'est physique. C'est physique, c'est pas électrique, c'est comme... comme disait Robert. C'est pas physique, c'est électrique. Non, mais hein? Oui, est-ce que c'est électrique, madame? Là, vous nous dites ça comme ça, là, écoutez... C'est une radio sérieuse, c'est quoi, RL, là? Bon, là, vous voulez nous dire que vous avez une formation dans ce milieu-là. Je vais me rapprocher, là, ça mérite... Là, vous voulez me dire, là, entre moi et le micro, là, puis vous, surtout vous, que vous avez une formation dans ce milieu, dans cette... Oui, bon... On peut-tu appeler ça une formation ou une déformation? Oui. Oh, OK, tous les mots qui existent dans le vocabulaire, puis même les celles qu'on peut inventer, c'est pour un beau oui. Un beau oui, je veux dire beau oui. Ciel, mon beau oui, priez pour moi. Mais il est parti, lui. La star noire est partie. Ben oui, vous saviez ça, vous? Vous le connaissiez, vous, hein? Allô? Oui, avez-vous déjeuné avec il y a 2 semaines? Menteuse! Oh, ben c'est une menteuse, c'est une charlatanisme, c'est du charlatanisme. Moi, c'est du satanisme, mais toi, c'est du charlatanisme. C'est pas... Madame, là, on vous a pris en flagrant. Oui, vous aimez ça, hein? Vous êtes en... Oui? Ben oui, toujours sur le même ton, hein? Elle est prête à tout, elle, là. Elle s'est pratiquée pendant des années, peut-être même sa vie entière, à dire un oui. Un oui aussi large et qui invite à beaucoup d'interprétations. Allez-y, encore une fois. Ben oui, tu sais, un petit rire coincé, là. Un petit rire, là, qui... Même pas en coin, là. C'est même pas... C'est pas un rire, c'est un oui. C'est un oui qui me fait ricaner de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui te parlent. on les nommera pas. Ils méritent même pas qu'on les place sur... qu'on les... Quand, ben, sur la place publique, ils ont pas leur place. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça une place publique quand eux méritent à peine un bonjour sympathique. Mais si, un oui comme ça. Hein? Aussi, quand même, vous êtes une comédienne, une grande comédienne, une tragédienne. Vous êtes de l'école de Brecht. Brecht. Là, elle est bouchée. Hein? Vous êtes bouchée à Brecht? Je connais pas, moi, là, mais ça paraît bien dans un déjeuner, hein? Avec une petite musique classique, là, du clavecin. Avez-vous lu Brecht? Connaissez-vous Brecht? Vous avez une brèche dans les cheveux. Ça va vous crever un œil. Ah non, moi, c'est Corbeau et Barbotine. Ouais, le grand Corbeau et Barbotine, là, celui qui a écrit les grandes tirades humoristiques des années 2003, 2004, puis c'est affaissant en 2005, il n'y avait plus d'inspiration. Puis en même temps, il n'y avait plus de budget pour s'acheter des crayons. Donc, à un moment donné, il s'est inspiré du marquis de Sade, qui un jour s'est trouvé en prison pour des idéologies. L'idéologie, c'est quelque chose d'intéressant. Puis il faut aussi se questionner sur les idéologies. Est-ce que je dois emprunter son idéologie à lui? Est-ce que ça peut devenir mon idole? C'est important, l'idolâtrie. L'idolâtrie, non, mais on peut se questionner. On peut aussi ne pas le faire. C'est plus relaxant de ne pas le faire. Ça t'empêche pas de dormir. Hein? Ça te permet de manger ton spaghetti au souper. Au repas, bien sûr, qui sont obligatoires, c'est-à-dire le petit-déj, le déj et le dîner. Il n'y a pas de souper, là. C'est fini le souper, on ne soupe plus. C'est le petit-déj, le déj, puis le dîner. Si tu passes à côté, c'est comme on disait à l'époque, tu passes en dessous de la table. C'est important de passer en dessous de la table. Surtout, tu trouves des garnottes. Tu peux, même si tu manges pas, tu sais, ta mère t'a appelé, t'avais 14 ans. Viens manger! Et tu dis, ah, mais non, je veux pas. Viens manger, viens manger. Hey, j'ai passé 2 heures à te faire du macaroni. Ça prend pas 2 heures, maman, à faire du macaroni. Non, mais je l'ai manqué pendant à peu près 95 minutes. Les 25 minutes, là, c'est ce que tu vas manger. Fait que tu vas le manger. J'ai pas faim. Moi, ça, t'as pas faim. J'ai mangé du chocolat. Comment? J'ai mangé du chocolat. T'as mangé du chocolat. T'as gâché ton dîner, c'est vrai, c'est plutôt... T'as gâché ton dîner pour du chocolat. Ouais, mais maman. Parce que ça sentait le brûlé, mais je me suis dit, je mangerai pas. Ben ouais, depuis quand, mon enfant, je te fais pas manger? Regarde, là, tu tiens ton journal quotidien. À quel moment dans ton journal quotidien ou dans tes bricolages en maternelle, tu faisais des beaux... des croquis, c'est pas des croquis? Ah oui, des œuvres abstraites, on peut appeler ça des croquis, oui. C'est quelque chose, là, qui pourrait se vendre sur eBay en disant que c'est un grand peintre illustre et inconnu. Comment tu peux être illustre et inconnu, ça, c'est une autre histoire, puis on n'a pas le temps d'en parler ici. Oui, mais maman... Oui! Ça sent pas bon. Moi, ça sent pas bon. Ça sent des petites nouilles de chez nous, de chenaux. C'est pas des ça vient pas de Shawinigan, ça vient pas de Matane, ça vient pas de Trois-Rivières, ça vient de Québec. Des bonnes nouilles québécoises, du Québec et de Québec. Avec un jus de légumes quand même assez douteux. Ah, c'est ça qui sent pas bon. Non. Douteux dans la provenance, pas dans la qualité. Là, je sais pas si ça vient de l'île d'Orléans, de la tomate de l'île. Ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de tomates au Saguenay-Lac-Saint-Jean que c'est plus de l'eau qui coulait, c'était du jus de tomate. Béni par le curé du village, Madame Chose. Le curé était là, assis, on y avait acheté un beau sofa vibratoire, mon gars, qui était chauffé à l'énergie scolaire. Il n'y avait pas d'études, lui, là, quoi que... Puis on avait dit aux étudiants... Amenez-en des réflexions, amenez-en de ce que vous avez appris dans votre école, comme ça va fonctionner. C'est comme ça qu'on peut dire que le sofa fonctionne à l'énergie scolaire. Pas de scolarité, pas rien, ça vibre pas. Puis même, tu pourras même pas déposer tes pieds. Puis un pape, pas un pape, mais un saint. Un saint dévoilé, quand même, attire beaucoup de regards. Non, mais c'est un saint... Pas ce saint-là, l'autre saint, voyons donc! Le saint... En tout cas... Le christianisme, hein? Bon, le saint du christianisme, bon, c'est... S'il n'y en a pas de connaissance, il n'y aura pas de... Ça risque d'être assez ordinaire. Déposer fessier, c'est tout. Mais là, si tu commences à parler, je sais pas, là... Ah oui, étale, t'as pas de connaissance, étale. Ben, tu peux parler Du cactus solaire. Jamais personne n'a parlé de ça, le cactus solaire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas attardé. Puis il faut être un peu attardé pour s'y intéresser. Parce que c'est d'une platitude. C'est comme l'algèbre, c'est d'une platitude. Mais c'est intéressant pour le cartésianisme. C'est pas cartésianisme? Quand tu le sais pas, tu continues, tu glisses. Cartésianisme. Ouais, mais quand tu glisses, ça veut dire que t'as pas trop de connaissances, t'as pas de formation. Avance-moi pas là-dedans, toi, là. M'a te faire reculer trois pas. Ça sera pas de la danse en ligne. ça va être. Ça ne sera pas ça va être. C'est important de dire ça va être. Puis ta boîte aussi, mon Gaétan. Oui, allô, madame, vous êtes encore là? Ça va bien? Allô? Hey, on vous perd à quelques moments. Je sais pas si c'est normal, mais je vous dis, madame, à errance rénaldienne, il n'y a rien de normatif et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Parce que ce qui m'ennuie, puis beaucoup de personnes sont dans cet état-là, c'est le quotidien, le sissif. Il y a un monde, il y a un descendant, c'est bien beau, là, mais il faut être un peu créer de l'originalité. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tu sais que tu vas monter, tu te bouches un œil, tu dis, hey, là, je vais avoir un point de vue autre que toutes les autres fois que je l'ai monté, ma boule. Puis là, à un moment donné, le lendemain, tu gosses ta boule pour que ce soit pas une boule. Mais un parallélogramme, et monsieur, un parallélogramme. Disons un triangle, la géométrie, là, je me suis arrêté au carré, au cercle, au triangle, mais là, le triangle des Bermudes, c'est des disparitions soudaines, puis comme je suis pas trop présent, même que. Hey, Thibaudot! Ouais, Thibaudot! Allô? Ben, merci. Hey, t'es, ouais, je t'ai invité pour la Radio-Ton, le pré-Radio-Ton, c'est CKRL! Tu pouvais pas venir? OK, parce que ce merveilleux monsieur, est-ce qu'on peut... le public aimerait savoir. OK, est-ce qu'on peut le dévoiler? On le dit-tu? Allô, on le dit-tu? On le dit. Ce monsieur-là, c'est un fou des mots. C'est un fou tout court, là. Il y a des gens qui vont dire, mais Renal aussi, c'est un oui. Oui, mais oui, mais allô? Il faut être oui dans la vie parce qu'il y a tellement de... faut gagner de l'argent. C'est 3,27 $, madame. Carte de débit, crédit, comptant. Voulez-vous un sac? Oh, moi, je fais pas de maudite scène. C'est mon patron qui en fait de l'argent. Moi, ça roule pour 3 000 $ ou 50 000 $. Je m'enroule ma boule. On va me retourner dans mon 2,5, pas chauffé, pas éclairé, pas payé hydro, y a rien fait noir, pas spéti, pas les moyens financiers. Je regarde le temps passé. Puis là, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah oui, le Sisyphe. Sisyphe manque d'originalité, on devrait faire Camus 2016. C'est intéressant, revoir l'univers de cette fable. De son œuvre, là, quand même, là, ça pourrait être long, puis un peu. Comment? Escongru? Congru? Convexe? Concave? Ah, il y en a du concave, j'en connais. Ils sont cons, calme en même temps, concave. Ah, t'es concave, oui. Je suis pas perplexe. J'ai jamais. Hey, c'est le pied avec un micro aussi faramineux. C'est extraordinaire, c'est que tu peux t'entendre frapper. Regarde, je me frotte la bédaine, écoutez. On m'entend frotter la bédaine! Wow! Puis il faut dire, non, madame, mademoiselle, je n'ai plus une bédaine comme avant. J'ai un petit bedon. Un peu comme, comment tu l'appelles, là, le celui qui prie, là. Comment? Ouais. Comme lui, là. Inspiration, expire-moi. Allô? Le mini, comment il s'appelle, là? Ouais, allô? Petit bonhomme avec une bédaine. C'est en Inde, là. En Inde. Monsieur Pépette. C'est Monsieur Pépette. Vous connaissez pas Monsieur Pépette? Monsieur, c'est le sphinx. Ben non, c'est pas un sphinx. Peu importe. Peu importe. Bouddha! Bouddha! C'est Bouddha! Monsieur Bouddha! Enchanté, Madame Bouddheuse! Comment ça va? Et quand les deux se rencontrent, ça se fringe pendant 3 semaines. C'est comme 2 siphons. Les 2 siphons qui se rencontrent. Ça fait une suction, j'ai jamais ça se désuctionne. Pas facile d'essayer d'enlever cette suction-là. Comment tu veux faire? Un trou. Un petit trou. Un petit trou, un petit trou, un petit trou. Un trou de seconde classe. Un trou de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Et on mettra dans un grand trou. Ce qui est bien avec cet instrument-là, c'est que quand tu sais plus les paroles, mais ça va tellement vite avec ça. Poissonneur des lilas, là, faut connaître les paroles par cœur. Comment ça va, mes amis? Je vais reprendre mon souffle, là. Et j'expire dans une souffrance matinale. Oh, hey, c'est en parlant de matinale. Je resterai jusqu'à 7 heures ce matin pour donner la main et remettre le micro à mon animatrice préférée du matin. On s'en reparle. On a le temps. Quand même, il nous reste 6 heures, 35 minutes et de la garnotte qui s'effrite. Quand la garnotte s'effrite, surtout quand t'es en bas d'un rocher, fais attention, il y a une pierre qui va arriver et pourquoi pas une roche. Tu sais, les grosses roches crémeuses, là. Normalement, une roche, là, c'est pas crémeux. Non, mais quand tu reçois tout ce qui vient avec la roche, à un moment donné, là, il y a du sable, c'est comme dans... Oui, puis à un moment donné, pain! C'est le pain qui est là. Ça, c'est la roche. Exactement, c'est la roche. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne, et je suis très heureux d'être en direct sur CKRL et surtout de jouer avec ma chaise, de reculer et d'avancer. Je m'amuse comme un fou et j'espère que c'est comme ça chez vous. C'est bien dit, là. J'aime ta tournure. Merci. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement avec... Calme-toi, touche-toi le pompon. Devant public, là, ça peut être très gênant, même ça pourrait t'amener à la prison, mais t'es tout seul. Alors touche-toi le pompon, puis relax. OK. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Ça fait que... À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Virginia, on la connaît, on l'aime, on l'embrasse. Ouais. Je pense qu'elle s'en balance. Elle s'en balance? C'est rare qu'une femme se fout de la balance. Non, non, non, je veux dire qu'elle s'en moque. Oh! C'est une hautaine à petite bedaine? Non, c'est une décédée. Oh, une décédée. Bon, prions pour elle. Attention! Oh, comme Jean-Pierre. Nous allons relater son passage à Errance Rénaldienne et à CKRL dans quelques heures. J'avais dit 5 heures sur Internet, mais comme la rencontre a été très intéressante, je crois bien que je vais débuter ça vers 4h30 du matin. Mettez votre cadran si vous devez vous coucher. Puis couchez-vous. Pas maintenant, là. C'est pas la peine, puis ça vaut pas la peine, puis tout va se passer ce soir, cette nuit. Si vous agissez... Comment? Quand je prends cette pause-là, on dirait que je réfléchis moins. Il faut que je propulse. Oh! Toi, t'es comme la garnotte qui s'étire, là, la catapulte! La garnotte qui s'étire, la catapulte. Ben, comment t'appelles ça? Comment t'appelles une catapulte? Une garnotte qui s'étire. Ben voilà! Wow! Hey, on est devant Einstein Brand. C'est Hans-Jaisen de Nobotan? Non, c'est Reynald Gagné. Oh, c'est beaucoup moins effrayant. Attends, quoique Hans-Jaisen, c'est majeur. On pourra pas en entendre ce soir, ni cette nuit. Pourquoi? Parce que je viens pas penser. Faut pas penser, faut agir, hein? Le Québec devrait savoir ça à un moment donné. Arrêtez de soi-disant penser puis agissez! Attention! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. C'est bien parce que depuis que je suis arrivé, là, J'ai quitté mon boulot à 23 heures. J'ai pris l'autobus. En fait, c'est l'autobus qui m'a pris parce que j'étais en plein milieu. Ils m'ont dit, allez, embarque, sinon on t'écrase. J'ai dit, ouais, regarde, j'ai un gaminet CKRL. Un qui? Gaminet. Gaminet. T'es un gaminet? Non, moi, je suis loin d'être un gaminet. Je suis très loin d'être un gaminet. Mais je porte un gaminet. Ah. C'est une ceinture de chasteté masculine? Ah non, gaminet. En anglais, vous voulez entendre le terme anglais? S'il te plaît. Un T-shirt. T-shirt? Un T-shirt. Un gaminet? Ben oui, gaminet, c'est T-shirt. L'ignorance, ça vous fait rire? Oh, pas vraiment. OK, alors nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Le Néant Gagné, très peu de personnes utilisent ce terme-là, gaminet. Ma chérie, je t'ai procuré, souriait, un de ces gaminets qui te mettra en valeur. Tu seras aussi belle qu'une œuvre de Picasso. Et tu créeras le désir autant qu'une toile de Van Gogh. Ça existe encore, le Baby Duck? J'espère que non. OK. Attention. Aujourd'hui, le vendredi 1er avril 2016, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Arnold Turboust. En juillet 2015, il faut que je fasse sa nomenclature, ça vient un peu, là. On va brièvement, parce qu'il va la raconter, donc c'est redondant. C'est le dedans, c'est le mi-mal. C'est quoi là? J'aurais dû fermer ma grand. J'aurais dû ben du don du fermer ma grand gueule. Mais là, on va y aller un petit peu. Alors, on va l'ouvrir juste un petit peu. Comme la grenouille à grande bouche. Elle s'appelle Shirley. T'aimes-tu ça, Shirley? Hey, autre chose, avez-vous ça au cercle autre chose avec mon ami? Lucien Francœur. Il y a une semaine. C'est un merveilleux. Arnold Turboust, né le 14 mai 1900 quelque chose, quelque part à Calvados, est un compositeur, chanteur, musicien, clavier, basse et producteur de disques français. Arnold fait partie de ces personnages discrets, remarquables de la scène francophone. Sous une apparence sage se cache un univers tumultueux. Oh, tumultueux. Qui se concrétise dans son goût pour le rock underground. Il participe avec des groupes comme Marquis de Sade, que nous peut-être passerons une chanson ou deux. On verra si j'ai le temps. Et donc, le jeune homme va nous raconter sa vie. Oh, là, la conjugaison était latine! Non, elle était pas latine. Elle était quand même... Comment? Elle était étrange. Elle était pas convenable. La liaison n'était pas convenable. Bon, alors tu l'as arrêté là. Non, t'as le droit. On a le droit de tout ici. C'est ça une radio associative, c'est CKRL. C'est pour ça qu'elle doit rester. C'est pour ça que nous aurons un radioton dans quelques heures et qu'il faut ramasser 40 000 piastres, juste 40 000. Juste un petit 40 000. C'est quoi en 2016, 40 000 piastres? Si tout le monde se donne la main... Et surtout, ouvre son portefeuille. Puis devenir membre de CKRL. C'est moi, j'ai raconté il y a quelques jours à quelqu'un. Après ça, on va aller à la musique. Faites-vous-en pas, là, ça va bien aller. Ça va bien aller. Découragez-vous pas, ouais. C'est que j'avais des cartes, moi, on m'avait malheureusement entré quand j'étais petit dans une religion qui n'était pas la mienne. Donc, je me suis retiré de ça. Et aujourd'hui, en 2016, je n'ai qu'une carte de membre. Anciennement, j'étais même dans un parti politique que ça m'a déplu parce qu'il y a un clown qui est rentré là. Il est en train de lire son journal. « Oh non, moi des lecteurs. » Il dit « Hey, je suis pas un lecteur, moi, là. » Moi, je publie puis je suis un liseur de journal. Ah, ouais. Tu lis un journal ou tu lis des... Ah, moi, je lis des journaux. Ah, oui, OK. Mais donc, j'ai retiré ça. Et la seule carte que je brandis fièrement, n'importe où, la police m'arrête souvent. Hey, t'as-tu une preuve? Ben oui, j'ai une preuve. Voyons donc, regarde la carte de CKRL. Je suis un gars totalement identifiable pour 25 piastres. Demain, à partir de 8 h du matin, aujourd'hui à 8 h, appelez. Je vais vous donner le numéro dans quelques minutes, vous allez voir. Vous allez même pas voir, vous allez entendre. La CKRL, on voit puis on entend. Essayez de trouver ça ailleurs, une radio où on peut voir et entendre. Il y a des gens qui sont enflammés par leur musique, par le folk, par le jazz, par le rock, par le punk, par la musique garage, par leur littérature, par le cinéma, par la bande dessinée. C'est juste ici que ça se passe. Alors, je vais laisser le micro à mon ami Arnold, s'il te plaît. Oui, est-ce que je vais pouvoir me relaxer la gorgeotte? Ben, allez-y, monsieur, allez-y, vous êtes libre. Hey, je suis libre, ben oui, c'est ça, c'est cohérent, c'est être libre. Ah. Ici à Paris. Oui, bonjour. Alors, du coup, où est-ce que je peux vous servir avant de commencer? Pas de siesta. Vous, mon cher monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais prendre un petit café, moi, avec un verre d'eau. Café, verre d'eau. Idem. Allez, deux cafés, deux verres d'eau. On va peut-être boire le café deux secondes, non, avant de commencer? Pardon? On boit le café, puis on commence, non? Oh, on le fait en même temps. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment à la bonne franquette. D'accord, ouais, c'est ça. Après, tout le monde, tu fais tout. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que la première fois que on se tutoie. Oui, bah oui, on se tutoie. Parce que ça va quand même enlever certaines balises qui ne m'intéressent pas. Donc, le côté direct est beaucoup plus intéressant pour le public aussi, même si dans la radio d'État, on vous voit malgré le fait que souvent, c'est des amis. C'est ça qui prend un peu plus difficile. La première fois que je t'ai entendu, c'est à Christophe de Chavannes, c'est encore mieux l'après-midi. Ah oui, ça fait longtemps. Hein. Alors voilà, ouais. C'est pour te donner mes références. Oui, ça fait très longtemps. Oui, mais c'est tes débuts. C'est mes débuts, ouais. Ouais. Enfin, oui, c'est mes débuts, ouais, mais j'ai commencé avant dans des groupes, tout ça. Mais c'est à commencer. Non, mais ta carrière solo, c'est là que... Ah oui, c'est là, oui. Ouais, j'ai commencé là. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? En fait, j'ai toujours été passionné de musique. Tu vois, j'en ai fait en dilettante, enfin, j'ai étudié. Et puis après, si tu veux, tu en France, voilà, tu passes ton bac, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je sais pas du tout. Et donc, j'ai continué à faire des études. Et à partir d'un moment, en fait, la musique m'a appelé, si tu veux. En fait, c'est-à-dire que on m'a appelé pour faire des albums. Okay. Voilà, des amis à moi. Et donc, je me suis retrouvé dans cette grande mouvance. Et à partir du moment où tu es pris dans ce cheminement-là, c'est difficile de faire marche arrière. Dans ce sillon, c'est un sillon. Ouais, c'est ça. Un micro-sillon. Un micro... Oh, c'est bon. On est en France ce matin. Pas de café, mais oui. Et aujourd'hui, le micro-sillon revient à la mode, donc vive les sillons. Ouais, c'est sûr. Ouais, en tout cas, c'est vraiment... C'est peut-être une niche, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi l'avènement de... C'est le retour d'un bel objet, si tu veux. Oui. Je trouve qu'on a eu trop tendance à un peu solder la musique. C'est-à-dire, on t'offrait, pour un yaourt acheté, on t'offrait 4 chansons à MP3. Puis il y en a une qui est très contente, c'est Céline Sillon, de revoir les disques à l'UE. Et... Donc, toi, est-ce que c'est tes parents qui t'ont titillé au niveau musical ou... Oui. Évidemment, au début, j'ai subi la musique. C'est-à-dire, En fait, quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans. Oui. J'avais pas le droit de... Enfin, je faisais du sport, mais il fallait que je fasse du piano, quoi. Donc, voilà. Puis bon, après, de fil en aiguille, j'ai trouvé vraiment goût. Puis j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont appris un peu l'orgue moderne. J'ai fait aussi pas mal de cuivre, de trombone, par exemple. Et tes parents, ils écoutaient quelle sorte de musique? Mon père était vraiment un... Merci monsieur. Il était vraiment un passionné de musique. Il aimait bien tous les standards de Glenn Miller, les choses comme ça. Ok, le jazz. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il aimait bien, mais il aimait aussi beaucoup la chanson. Charles Trenet? Non, plus Serge Gainsbourg, en fait. Okay. Il trouvait que c'était vraiment un superbe... auteur-compositeur. Il le disait toujours. Il a raison. J'étais petit, hein. Et toi, bonjour. Trouves-tu que Serge Gainsbourg... Ah bah oui, évidemment. Il a créé un style. C'est un grand novateur. Quelqu'un de juste dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il a fait. Enfin voilà, il avait trouvé un super bel équilibre quoi, entre les mots et la musique. Un accord lui suffisait pour faire une chanson. Et pour partir, oui, dans un non pas un succès, mais dans une vision. Oui, c'est ça, exactement. Et au début, tu as formé des groupes avant de faire Cavalier Seul? Alors en fait, au début, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. J'ai eu cette chance, j'étais appelé par un groupe dont on parlait beaucoup à cette époque-là. Bon, moi, j'avais 17-18 ans, qui s'appelait Marquis de Sade. Oui, ben oui. Et donc, je suis arrivé, parce que le batteur est un ami. Mais qui était pas parisien, qui était à Rennes. Mais moi, je suis de par là-bas. Oui. Et donc, si tu veux, on m'a appelé pour faire les pianos, le batteur étant mon ami. Et donc, je me suis retrouvé en studio d'enregistrement avec eux. Marquis de Sade, sur le premier album. Groupe mythique. Comment? Un groupe mythique. Un groupe mythique, ah, oui. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je te dis... Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, le virus a été contacté. As-tu travaillé longtemps avec Marquis de Sade? J'ai fait exactement avec eux donc ce premier album, mais comme musicien, simplement musicien. Et j'ai fait aussi un single avec eux. Okay. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Après, si tu veux, avec eux, il y a eu plusieurs reformations. Il y a eu Marc Seberg et une autre formation qui s'appelait Octobre. Et moi, chez nous aussi, il y a un groupe qui s'appelle Octobre. C'est vrai? Ouais. Et ben moi, j'ai fait Octobre. Progressif à l'époque. D'accord. C'était un groupe progressif. Et vous autres, c'était New Wave. Le groupe était New Wave. Oui, c'était New Wave, ouais. Et il y a eu d'ailleurs une chanson que j'avais faite avec eux qui a pas mal marché aussi en radio. Qui s'appelle? Nastassia. Oui, ben oui. Oui. Qui est rendu un standard. Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi je suis resté avec eux le temps d'un album, voilà quoi, tu vois. J'avais fait voulu suivre ou si tu correspondais plus à. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire en fait, je m'entendais pas forcément avec tout le monde. C'est assez difficile, hein. Des gens avaient des fortes têtes dans ce groupe-là. Voilà, c'est ça. Et donc, même si c'était des amis, il y a des fois tu veux pas du tout faire comme. Enfin, tu vois, voilà. Et j'avais rencontré. Donc j'avais fait aussi un groupe à Nantes qui marchait pas mal, qui était Private Jokes. Oh non, c'était moins connu, nous étions beaucoup plus locaux. Mais on avait un peu. Et d'ailleurs, le batteur et le guitariste ont ensuite formé Marc Seberg avec le chanteur. C'est assez marrant. Ah, ouais. Et j'avais rencontré Étienne Dao à cette époque-là. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Moi qui était à Rennes aussi. Mais comment votre collaboration, parce que vous avez travaillé ensemble quelques années, ouais. Comment votre collaboration s'est faite avec Étienne Dao? Comment tu l'as rencontré? Par des amis? Bah justement, par Marc Itzad, en fait. Mais lui, il n'était pas rendu à Pop Satori, son grand succès. Il avait... Ah non, non. C'était ses débuts. C'était ses tout débuts, c'était un album... Enfin, il n'avait rien fait, en fait, quand je l'ai rencontré. Et si tu veux, donc, on s'entendait bien. C'était plutôt un copain. Et il m'a dit, ouais, si ça t'intéresse un jour d'écrire des chansons pour moi. J'ai dit oui. Bon. Après, je suis pas, j'ai pas du tout joué sur le premier album parce que moi, j'habitais pas à Rennes. J'étais pas là tout le temps, quoi. Mais t'avais l'air nonchalant. Comment? Tu avais l'air nonchalant. Oui, nonchalant. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que, en fait, tu disais à propos de Étienne Dao, ben écoute, je voulais tirer quelque chose, mais ça s'est pas produit. Non. Tu laissais aller les choses, t'étais pas. Oui, non, c'est ça, exactement. Ouais, puis j'étais encore. Non, mais c'est pas négatif, nonchalant. J'étais encore plutôt un peu étudiant, si tu veux, donc je pouvais pas. Et bon, le premier album d'Étienne, Mythomane, bon, j'aimais bien, mais c'était vraiment pas mon. Bon, c'était pas ce que je faisais du tout comme musique, en fait. C'était pas mon préféré. Mais est-ce que tu voyais en lui ce qui allait devenir? Non. Non, ok. En fait, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que quelque part, il voulait faire des choses un peu nouvelles et, si tu veux, parler aussi de culture un peu française, quoi. D'écrire des chansons en français. Alors que beaucoup de groupes à cette époque-là, beaucoup de gens, c'était en anglais. Ouais. Tu vois? Marc Itzad, entre autres. Ouais. Donc, si tu veux, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Mais toi aussi, t'as voulu suivre en français parce que t'as eu un grand succès. Ouais, ouais. À tes débuts, après les groupes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce succès? En fait, si tu veux, Est-ce que le cheminement se tient? Après, il y a eu Étienne Dao. Tu t'es adonné davantage à la chanson pour toi, non pas pour les autres. Bah, c'est-à-dire avec Étienne Dao, si tu veux, je pense que je lui ai permis d'avoir un premier succès qui était Le Grand Sommeil. Ensuite, j'ai fait un album pour lui. J'ai joué sur un album. Enfin, j'ai composé des chansons pour un album qui s'appelait La Notée, qui a pas mal marché. Et après, j'ai fait Pop Satori pour lui, avec Tombé pour la France et Paul Tatou. Et si tu veux, bon, d'un seul coup, il y a un succès. Et puis, il se trouve que j'ai une chanson dont personne ne veut trop. Et donc, je mène les démos jusqu'au bout. Je contacte une amie, je la fais chanter, je présente aux maisons de disques. Et là, qui est ton amie? C'était Zabou Bretman. Voilà, tu vois. La comédienne, ouais. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Elle n'avait pas fait la démo, elle a fait juste après. C'était une autre amie qui, au début, avait fait. Enfin, peu importe. OK. Et je lui présente, toutes les maisons de disques en veulent. Moi, je savais pas trop, quoi, si tu veux. Enfin, tu sais jamais, en fait. Moi, je partais en vacances, on verra bien, de toute façon. C'est ça, ouais, le côté, peu importe, on verra. On verra, oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas la peine de se prendre la tête. Mais t'es-tu encore comme ça aujourd'hui? On verra. Oui, oui et non. C'est-à-dire, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de faire les choses les mieux possibles et qu'elles soient bien. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu sais, c'est pas forcément rationnel ce qu'on fait, la musique. C'est pas du tout... tu vois, il faut essayer de se faire plaisir en se disant que si tu te fais vraiment plaisir, il y a des personnes qui vont écouter et qui vont trouver ça formidable. Voilà. Alors, ça, avec Zabou, vous avez décidé de présenter ça? Voilà, j'ai donc présenté. Là, toutes les labels en ont voulu. Le single est sorti. Avec le maxi, enfin la totale, quoi. Et là, ça a été très très difficile au début. Les radios trouvaient que c'était un peu trop atypique, ce truc. Et la maison de disques a vraiment insisté. Et je crois que le succès a commencé aussi. En Belgique, en revanche, ça fonctionnait plutôt pas mal. Oui, mais on est comme ça. Nous, on se fait souvent comparer aux Belges. Hein. J'imagine bien, j'imagine. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti Adélaïde au Québec, ouais, sur un label, je ne sais plus le label. Je vois même avoir le single. Accompagné Et mais ça joue encore beaucoup à Adélaïde. Oui, ça joue beaucoup, oui. Ouais, encore, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais, c'est, ça reste toujours. C'est un standard. D'été surtout, hein? Ouais, ça reste, ouais, c'est sûr. Ça, je pense que ça pourrait même être pris. Je sais pas, je pense que même qu'il y aura peut-être des remixes assez intéressants faits. Ah, tu t'es approché pour faire des reprises? Plutôt, non, plutôt des remixes en fait, de cette chanson. Tu vois, moi si tu veux, après, quand une chanson. Plus techno? Ah oui, je pense plus. Enfin, il faut. Enfin, techno, il faut trouver le bon angle, quoi. Tu vois, il faut. Voilà. Mais bon, je pense aussi que quand t'as fait une chanson, c'est toujours difficile de revenir dessus, tu vois. Ah ouais, de une la fois refaire. Que c'est fait, c'est fait. Pour moi, c'est fait, quoi. On va passer à autre chose. D'accord. On appelle ça des affaires classées. Oui, c'est vrai, exactement. On ferme le tiroir et on passe à autre chose. Voilà. Et après Adélaïde, il y a eu quand même un silence, puisque le succès, tu croyais pas. Non, je croyais pas du tout. Et comment on se sent, vous avez succès? C'est quand même assez énorme, là. Comment un j'ai titre, vécu? C'est, pas, c'est un titre qui a fait vraiment, qui a déferlé sur toutes les radios. Je l'ai vécu un peu comme un, si tu veux, au début, ça te... Ouais, non, mais tu es un peu surpris au début, tu savais pas trop. Moi, je suis un peu timide aussi, si tu veux, donc j'ai eu un peu de mal. Heureusement qu'il y avait Zabou Bretman qui, tu vois, qui a poussé... ouais, quand même, vraiment beaucoup, quoi, quand même. Mais son côté comédienne, sans doute, metteur en scène. Mais beaucoup, ouais, ouais, beaucoup. Alors, ce qui m'importait aussi, c'était d'avoir un clip qui corresponde, en fait, à l'idée de débarquer de cette chanson, plus une plaisanterie qu'autre chose, en fait. Es-tu encore content de ton clip de l'époque? Ouais, je crois qu'il est, il est assez marrant, ouais, ça a bien vieilli. Ouais, ça a bien vieilli. C'était super important pour moi, l'image. Et donc, comment j'ai vécu? Bah, au début, ça me surprenait partout où j'allais. J'entendais cette chanson, c'était vraiment... Est-ce que tu étais le genre à dire ça? Non. Voir la réaction des gens quand ils se mettaient à... Bah, non, mais au début, ça te surprend toujours. Même encore maintenant, ça arrive en fait assez fréquemment. Mais surtout, si tu veux, après, la chanson, pour moi, elle est devenue... Enfin, à tout le monde, quoi, si tu veux, je l'écoutais, tu vois. Mais au début, ça m'a fait vraiment quelque chose. Mais j'avais déjà été un peu habitué, dans la mesure où j'avais déjà eu des chansons avec Dao qui avaient vraiment bien fonctionné, ouais, si tu veux. Ça me faisait, ça me faisait bizarre d'entendre ça. Et puis, bon, petit à petit, tu vois, tu t'habitues à tout mais ça. Mais la séparation a eu lieu après cet album-là, Etienne Dao? Oui, c'est-à-dire, en fait, évidemment... C'est-à-dire qu'après ça, il a fait un album qui s'appelle Pour nos vies martiennes, où il doit avoir encore deux ou trois chansons, okay, je crois. Mais ça sentait la fin de la collaboration. C'est plus du tout pareil. Après, déjà, cet album, c'est plus pareil que Pop Satori. Mais toi, tu collaborais à quel niveau, musical ou comme pianiste? Ah non, mais moi, je faisais en fait musical, c'est-à-dire compositeur, et aussi arrangeur, producteur avec lui. Quoi. Okay. Enfin, moi, arrangeur plus, et on coproduisait aussi ensemble. Okay. Donc les couleurs, ces sons, généralement, ils étaient plutôt de moi. Quoi. Okay. Alors après, c'était une belle collaboration aussi avec lui, parce que lui amenait des idées qu'il avait, qui étaient bien, que moi j'essayais de... Alors là, vous étiez sur la même longueur d'onde. Exactement. Et vous vous alimentiez, c'est pour ça que ça donnait un album mythique. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Est-ce que vous sentiez, en le faisant, tout ce que ça allait amener et engager comme visibilité après? Non. Non. Non, non, une nouvelle... Et tu sentais pas qu'il y avait quelque chose là-dedans? Il y avait un son nouveau, une façon de raconter une nouvelle? Parce que Dao, quand il était en studio, il écrivait à mesure. Ouais, il faisait à mesure. Ouais. Oui. Enfin, il avait préparé, il avait quand même quelques textes, mais bon, effectivement, je me souviens par exemple d'Épaule Tatou. J'arrêtais pas de lui demander, dis donc, quand est-ce que tu as le texte là ? Tout ça, il l'avait pas. Dernière minute. Ouais, vers la fin. Enfin, il y travaillait, quoi, tu vois, mais fallait trouver l'idée. L'angle. Ouais, exactement. Est-ce que c'est toi qui le ramenais souvent ou tu le laissais aller ? Sur les textes, hein ? Ouais. Ah non, je le laissais aller. Et sur la musique ? Sur la musique, on décidait ensemble, en fait. Tu vois, c'était lui l'interprète, donc moi, si tu veux... Bon, après, moi, je faisais mes... il me faisait super confiance, toi. Moi, je faisais tout, tout ce que j'avais à faire, quoi. D'ailleurs, je me souviens que sur Pop Saturday, on avait fait deux équipes. Moi, j'étais plutôt de nuit, et lui était plutôt de jour, parce qu'on était vraiment... Dao est un heure de jour. Ouais. Ah, et toi, t'es de nuit. À cette époque-là. Ok, ok. Mm. Et mais les deux équipes, pourquoi deux équipes ? Pour rationaliser, parce qu'on était super en retard, on avait pris un temps de dingue, voilà quoi. C'était pour ça en fait. Est-ce que l'idée était bonne ? Ben oui, dans la mesure où Étienne savait exactement ce qu'il voulait faire et moi je savais exactement, donc on était d'accord, tu vois, c'était facile quoi. Est-ce que t'étais le genre le soir à tout revisiter ce qu'il faisait le jour pour mettre à ta main, mettre à ton style, Ça se pouvait de temps en temps, ouais. Ça a toujours été ça. Ouais. Et après ce grand succès-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vision que tu lui as donnée à ta carrière ? Qu'est-ce que tu... Bah si tu veux, ça m'a laissé à réfléchir. Donc ouais, moi, voilà, c'est ça. Donc moi, si tu veux, en fait, j'avais signé avec un label. Je devais un autre album, quoi. Tu vois ? C'est ça qui est très demandant, parce que tu sais que à l'époque, lorsqu'on signait pour des maisons de disques, c'était après ça. De rendre compte. Je rendais compte, ouais, j'étais obligé, évidemment, tu vois. Et donc, voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, en fait, j'ai dû faire un album. Bon, en plus de ça, avec Étienne, on avait eu, c'est normal, si tu veux, quelques... voilà, ouais, pas... écorchures. Quelques écorchures, attends ça comme ça. Hein. Et donc, si tu veux, bon... Et moi, j'ai fait mon album. Bon, en revanche, c'est là que je me suis aperçu que c'était vraiment compliqué parce que, si tu veux, ma voix n'était pas si éloignée que ça de la sienne, pour ainsi dire très proche. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, personne n'a voulu écouter mon album, quoi. Et là, j'ai été vraiment de dépit. Et donc, à cette époque-là, j'ai un peu arrêté. Mes économies me le permettaient. Et j'ai réfléchi un peu. Voilà. Et par la suite ? Alors, par la suite, en fait, j'ai continué. C'est-à-dire, en fait, j'ai ressorti après... Donc, j'avais sorti ce premier album qui s'appelait Let's Go à Goa. Oui. Ensuite, j'ai sorti un nouvel album. Puis, à côté, je faisais... À quelle année pour nous ? Alors, Let's Go à Goa, c'est un album qui est sorti en 1988. OK. Et ensuite, j'ai sorti un autre album qui s'appelle Mes Amis et Moi, qui a eu un peu de succès ici, dont on a un peu parlé dans les radios. C'est passé, j'ai eu une belle couverture de presse. Ça s'appelait Mes Amis et Moi, oui, c'est ça. Qui est sorti en 94 ou 95. Est-ce que tu suivais le son du moment où tu ne voulais pas te laisser envahir par ce qui se passait à cette époque-là? Voulais-tu avoir ton propre univers, ta propre façon de... Je pense que même si tu empruntais, par exemple sur cet album Mes Amis et Moi, même si j'empruntais les techniques vraiment de l'époque, je pense que ça me ressemblait en fait. Voilà. Okay. Tu te départis pas. Tu n'as pas voulu amalgamer au bout du jour, tu voulais pas t'amalgamer à ce qui se faisait à cette époque-là. Ah mais si tu l'écoutes, tu verras que ça ressemble vraiment à cette époque-là. Okay. Quoi. Okay. Mais en même temps, je crois que c'est ma couleur aussi, tu vois. Enfin voilà quoi. Et lorsqu'on l'écoute aujourd'hui, crois-tu que ça a bien vieilli ou... Oui, je crois. Ouais. Okay. Ouais, je crois que ça a super bien vieilli. Je sais plus qui me l'a dit la dernière fois. Et à cette époque-là aussi, bah donc c'est sorti en CD, si je veux me... Ouais. Ok, parfait. Ouais, mais ça sera pas facile, mais tu pourras peut-être le trouver. Un MP3 peut-être. Non, mais ça tu pourras, okay, oui, c'est okay, sûr, okay. Tu verras. Okay. Tu verras, c'est assez particulier, ça ressemble bien à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là aussi. Et laquelle tu proposes ? Quelle chanson tu proposes ? Mes Amis et Moi. Ok. Voilà, tu verras. Ok. Peut-être tu l'as déjà entendu cette chanson. Oui, ok, parfait. Et ensuite, donc à cette époque-là aussi avec Dao, j'avais renoué. Donc je lui avais refait une reprise qui s'appelait Mon Manège à Moi. Oui. Voilà. Et ensuite, on avait fait aussi tout un album pour Brigitte Fontaine à cette époque-là aussi. Comme à la radio. Comme à la radio, ouais. Et Je suis conne, on lui avait écrit cette chanson. Oui. Et comment ça a été de travailler avec Brigitte Fontaine ? Bien. Non, elle était vraiment un personnage, ouais, c'est ça, elle était intéressante. Une qualité de texte incroyable, enfin voilà quoi. Donc, Et comment on fait pour travailler avec elle ? On va en studio, on va chez elle, Écoute, ça s'est passé très simplement, on lui a dit on fait ça, ça, telle et telle chanson. Est-ce que c'est elle qui est venue vous chercher ? Allez, bisous ! Non, je crois que je me souviens plus tellement comment ça s'est passé. Je crois que c'est plutôt nous qui avons été la trouver en lui disant qu'on aimerait bien lui faire un album. Ouais. Bah oui, je pense que, enfin tu vois, c'était bien. Et cette époque-là, elle avait pas de mode de disque, tout ça. Et Et c'est grâce à Dao, en fait, et grâce à cet album qu'on a fait, qu'elle a retrouvé une boîte de disques, tout ça, qu'elle a pu sortir. Tu vois, elle n'avait pas d'album depuis. Non. Elle sortait juste au Japon, je crois. Oui. Et ça donne un cachet parce qu'elle reprend sa chanson mythique comme à la radio, mais d'une version 4 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça donne tout un paysage à la dame. Et qu'est-ce qui te reste d'elle après avoir passé quelques mois en sa compagnie? Est-ce que t'en ressors autrement ou c'est une collaboration comme une autre? C'est quelqu'un qui... Non, mais enfin, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, non, mais c'est la rencontre d'un personnage que j'apprécie, dont j'apprécie vraiment l'écriture. Mais ouais, c'est ça, c'est une collaboration comme une autre. Okay. J'étais très content parce que ça m'a permis d'appliquer un peu un style de musique que j'aimais bien à l'époque et puis de, tu vois, pour elle, quoi. Et quel est ton style de musique, comme tu viens de dire? À cette époque-là, je fais beaucoup d'échantillonnage. Okay. Tu vois, j'échantillonne de partout. Et je mixe, je change, je refais, je... Et aujourd'hui, et ensuite, après Brigitte Fontaine, tu t'es dirigé dans... Alors après, donc Brigitte Fontaine, et donc voilà, après j'ai refait donc justement encore un album pour Étienne Daou, oui, qui s'appelle Eden. Oui. Et oui. Donc voilà, on a passé un an en Angleterre à faire cet album. C'est quand même pas mal, hein. C'est un album, alors c'est quand il est sorti, tout le monde non, l'a... Non mais tu peux partir en Angleterre, tu peux... Ouais. Tonight club, blue jazz. Sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Reynald Gagné. Je connais une direction, c'est celle de Christophe Colomb. Prendre le large pour seul horizon, t'emmener faire un tour d'horizon. Avec toi des vallées, des pentes et des sommets oubliés. Que demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui. Et se dire à l'est et à l'ouest, sans boussole ni sextant, prenons tout notre temps. À gauche le ciel, à droite la mer. Nous sommes de retour à CKRL, le 89.1, au pré-radioton. Pré-radioton! Très heureux, encore une fois. Je vais me mettre à radoter, mais je suis très, très content d'être avec vous. 1h14, tout va bien, 23 secondes, la pluie tombe. La pluie tombe, Elle tombe, oui. Il tombe la pluie dans mon désespoir. Non, sinon... Comme on dit souvent, la nuit, tous les chats sont gris. Gris. Pas bleu foncé, là. Pas gris pâle, là. Gris. Et je vais vous dire une de mes blagues que j'adore. D'où viennent les chats? D'où viennent les chats, les amis? Rouen. Ils viennent de Rouen. Rouen-Noranda. Rouen. C'est une très belle place, mais là, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les minots! Toutes les minounes! À Rouen! Ils ont pris un bateau! Un genre de bateau de Robinson dans Softloway, hein? Dans Floué. Ils ont floué quelques heures avec, bien sûr, 250 000 minous pis minounes mélangés, là. On savait pas si c'était des chats de gouttière, des chats de bourgeois, des chats de bourgeoise, mais c'était du poêle. Une tonne de poêle, puis le pauvre commandant, capitaine, colonel, sergent était allergique au poêle. Y en a-tu passé des mauvais moments, lui? À se moucher, à se remoucher, puis à se re-remoucher, les yeux, ils plicotent. Hey, quand tu dis à ton enfant, voyons donc, ton nez placote, hein, ça placote, là, ton nez placote. Ça fait quelque chose. Mais lui, c'est pas le nez qui placotait, c'est les yeux qui placotaient. Il essayait de les avoir dans le même trou, mais il s'en passait de gauche à droite, bâbord, tribord, à Weldon, c'était comme le Titanic. Il s'est dit, je vais couler avec les chats, il n'y aura plus de chats dans le monde. Parce que si vous en avez un, je sais pas, à Tombouctou, ça vient de Rouen, de Noranda, ces chats-là. Ça vient pas de Tombouctou. Regarde dans tu dépattes, ça. Made in Rouen, Noranda. Puis il y a un gars ce soir qui sera à Québec, qui vient de Rouen. Avec l'OSM, l'Orchestre Symphonique de Québec, l'OSQ, pas l'OSM, Montréal c'est même, puis Q c'est Québec, l'OSQ! Pas compliqué la vie là! Ça te prend une neurone, puis ta neurone fallait fonctionner à moitié, comme ça tu vas être comme le Québécois moyen, mais en pas deux parce que tu risques de devenir. En haut d'ailleurs, ouais, en haut. Mais si t'es trop haut à un moment donné, quand tu chutes, ça fait mal, hein, s'il vous plaît. Ah, oh, ben alors, Richard Desjardins, ce soir, avec l'OSQ, l'orchestre. J'ai fait mes classes, moi, là, j'ai étudié. Pendant que la musique jouait, là, puis que mon ami Arnold parlait, là, c'était beau, ce qu'il disait, moi, le il y avait bien des mots, puis il y avait bien des... Non, il y avait de la connotation, puis moi, j'étais heureux de l'entendre, moi, là. Ça me rappelle des beaux souvenirs. J'en ai-tu bu des expressos à Paris? J'en ai bu. Je pense que là, c'est du rétroactif pendant à peu près 50 semaines. Parce que je vais 10 jours là-bas. C'est du 50 semaines de rétroactif de tout le café que j'ai bu. Quand je marche aujourd'hui à Limoilou, là, t'as une boucane en arrière de moi. C'est l'expresso! Hey, au début, hey. Tu sais, on dit que t'es une bébête à sucre. Une bébête à sucre, t'es une bébête à... Attends, tu prends du sucre. Je mettais 5 sachets de café. Comment? 5 sachets de café? Non, 5 sachets de sucre dans mon café. Oh, ça c'est... Mais pas ça à l'envers de même, là. C'est comme le tricotage. Si tu fais 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, ça aura pas de bon sens. Ça va ressembler au chapeau d'Ali Babos. Puis dis-moi, Ali Babos, quand sa belle-mère lui a tricoté son chapeau, il a voulu le ramener au magasin. Mais ça n'était pas fait là-bas, ça a été fait par sa avec des mains de vieille qui voulait bien faire plaisir à Ali Babos. Mais quand il est sorti avec son chapeau, il avait la mine, c'est pour ça qu'on l'appelait Ali Babos, il avait la mine basse en C, monsieur. Il cherchait des voleurs pour se le faire voler. Puis lui, il se disait, quand va me faire voler mon chapeau, ils vont mettre ça sur eBay, ils vont faire un peu d'argent. Il est tellement bizarre, tu sais, c'est comme... comment t'appelles ça, donc? Pardon. arrête de gratter, tu vas saigner, toi, là. C'est ça, c'est le stress. On vit dans un monde de stressé, ça va pas être bon. C'est bien certain, c'est... Regarde, deux semaines de café, jusqu'à la fin de tes jours, hey, wow! Ah oui, c'est l'extravagance, oui, la bonne femme, elle faisait des chapeaux extravagants parce qu'elle se mêlait, j'étais situé à l'endroit. Elle s'est dit, je vais plus m'arrêter là-dessus, je vais juste faire des mailles à l'envers. Ça, c'est un bon moyen d'être, de se faire plaisir, et surtout de se valoriser. C'est bon dans la vie de se valoriser. T'as pas de mémoire? Ben, reste dans ce que tu vas te sentir à l'aise. Et si tu te sens à l'aise dans la mouille en bas, ben fais ta mouille en bas. Puis si tu veux la faire en l'air, ben c'est à ta discrétion, ma chérie. Là. C'est toi qui décides, c'est toi l'artiste. Devant un artiste, on peut pas Ben, on peut guider, là, mais c'est... Il faut savoir accepter ce que le Créateur nous donne. C'est important, ça, le Créateur nous donne. Le Créateur, là, c'est pas le Créateur de la pluie, là, c'est le Créateur... Quoique la mère Théo, elle... Ben, ah oui, elle en pleure un coup, elle s'est dit, mais non, c'est pour ça qu'il pleut actuellement, là. Parce qu'on lui a dit, Rénal va faire 7 heures de radio, eh ben, ça n'a pas de bon sens. Les ondes vont être inondées, ça pleut de même. Ça pleut de même, ça va être merveilleux, parce que ça va peut-être couper. Puis si ça coupe, ben, on va sauver ses courriels, voyons donc, oui. Avec un énergumène comme ça, on sait même pas où on va aller. C'est tellement vrai que là, on va aller avec Bukowski. Ou est-ce qu'on doit... Oui, on doit. Le pouce... on doit avec le majeur. Ben, on y va avec le majeur. Pourquoi pas? Soignez le majeur et surtout, votre compagnie, avec mon ami Arnold, beaucoup d'Étienne Dao, errance rénaldienne, pré-radioton. Préparez-vous. Comptez vos scènes noires. Ça n'existe plus, les scènes noires. Ça, arrête. Dis pas ça à ton public. Il n'y en a plus. Préparez vos bouteilles vite. Fais-moi. T'es bien, toi, t'es fêlé de la gorlotte, toi. De la gorlotte, frère. C'est tellement fragile, là, que je pense que ça va se déflaire. Se déflaire dans quelques minutes. Pis si ça se déflaire, on va avoir le peur de le retrouver. Oh! Ah oui, Étienne. Vas-y. On te laisse la place. On se ferme la gorlotte. Dans le château, on déjà murmure. déçus souvent ils se rebellent. L'irrationnel mènerait la cadence. Il serait la cause de bien des tourments. C'est bien ma veine. C'est bien ma veine à moi. Une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça. Drôle d'accordeur. Qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En autant de suites mineures, c'est bien la preuve. La preuve qu'il existe 9 chances sur 10. Une fois sur 2 de se planter. Alors plutôt 2 fois qu'une. J'ai donc refait tous mes calculs. À chaque fois je suis tombé. C'est bien ma veine à moi, une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça, drôle de mic-mac. Qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En autant de suites mineures, c'est bien la peine maximum. Car tout compte fait, une fois sur deux, c'est une fois trop. Et c'est la loi de l'emmerdement. Par un gars prénommé Murphy serait la cause de tous mes tourments. C'est bien ma veine, c'est bien ma veine à moi. Une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça, drôle d'accordeur. Qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En autant de suites mineures, c'est bien la preuve. La preuve qu'il existe 9 chances sur 10 de se planter. C'est ça la loi de l'emmerdement maximum. L'Angleterre, en fait, je suis très proche. Ouais. Tu sais, je suis normand et c'est juste en face. Et voilà, et quand j'étais gamin, j'y allais souvent. Ou j'allais dans les îles anglo-normandes, c'était juste à côté de chez moi. Et je me sens très proche, moi. Des... Et qu'est-ce qui s'est passé dans Eden? Parce qu'on sent peut-être une césure avec les tiennes qu'on connaissait avant. Ça, c'est volontaire. On avait décidé, un peu comme justement comme Pop Satori, de faire un album où on allait essayer de trouver, essayer de s'inspirer de l'air du temps et de proposer un peu à notre façon. Cette ère du temps, tu vois, donc... Avais-tu une pression? Est-ce qu'il sentait la pression de... J'avais de la pression. Okay. J'avais de la pression De qui, la maison de disques ou Etienne Dao? Non, pas d'Etienne, non, non, jamais. Mais plus de la maison de disques, parce que si tu veux, nous avons été en Angleterre pendant un an. Et donc moi, j'étais producteur aussi, avec lui, coproducteur. Et si tu veux, afin de laisser Etienne un peu tranquille, c'est moi qui tamponnais, enfin qui faisais un peu le contact avec la maison de disques. Il fallait rendre des comptes, tout ça, quoi. Et donc, quand je suis rentré, quand nous avons... D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il était fini. Ça a mis tellement de temps, cet album à finir. Ça finissait plus de pas en finir. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi, si tu veux. Et j'étais épuisé. Alors, ça t'a demandé beaucoup. Oui, bah oui, si tu veux. Sans le savoir. Sans le savoir, en fait, parce que je le faisais volontiers, parce que j'étais content, quoi, tu vois, j'étais heureux, quoi. Mais ça m'a demandé beaucoup, parce que, en fait, c'était une pression, et puis tu voulais faire bien, tout ça, quoi. Tu vois, donc, pas... Eden, c'est 90, si je me rappelle bien. 97. 97, après. 18, ouais, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Et après cette collaboration-là et cet épuisement-là, tu t'es arrêté? Alors après, non, j'ai refait encore un single pour lui qui s'appelle Idéal. Okay. Qui était juste sorti comme ça. Et ensuite, oui. Alors ensuite, après, là, en revanche, on s'est arrêté. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pour respirer, pour prendre un peu d'énergie, pour pouvoir créer autre chose? C'était la fin d'un circuit aussi, je pense, avec lui. Et aussi, si tu veux, ma vie avait un peu changé. J'avais des enfants, tout ça, tu vois. Et donc, ça devenait un peu compliqué. Et voilà, fallait que... Et puis bon, moi, j'ai toujours besoin d'un petit peu de temps pour... Et puis, ça m'intéressait aussi de plus en plus de me concentrer un peu sur pour mes chansons, quoi. Okay. Tu vois, ouais, ton travail personnel. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, parce qu'entre-temps, j'avais fait plein d'autres trucs pour des choses plus ou moins connues ici. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal de chansons. J'ai toujours écrit des chansons. Mais... Pour qui? Je sais pas, tu connais Lina, non? Tu connais pas Lina from Paris? Non. Pour, pour Enzo, j'ai fait Enzo, trucs, oui. Ouais, j'ai pas, voilà. Mais on l'entend plus, Enzo? Non, c'est okay. Fini. Tu sais, il y en a pas tellement que tu entends de cette époque-là, en fait, que okay. Tu entends. Mais Enzo avait fait quelque chose aussi, avait peut-être porté l'étendard de l'homosexualité féminine. Peut-être. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être, je sais pas. Elle a aidé beaucoup de femmes sans le savoir. Sans le savoir, ouais. Ouais. Je trouve qu'elle avait une voix extraordinaire. Ah, c'est une grande dame. Ouais. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Enfin, je la connais un peu et j'aimais bien. Mais au niveau humain. Niveau humain, non, mais formidable. Ouais. Et puis sa voix, son velouté. L'album a très bien vieilli. Je l'écoute à l'occasion. C'est vraiment très, très bon. Parce que souvent, le problème des albums typés 80-90, c'est que le son. Mais Enzo a toujours... C'est un peu ça. Un grain de voix complètement incroyable, une douceur, tu sais, un velouté, quoi. Oui, mais à travers cette douceur-là, elle disait des textes assez... Ah ben, elle disait, elle peut. Ouais. Elle peut. Et toi, en 2000, tu t'es laissé... Alors, en fait, c'est un peu la fin donc, bah, les enfants, donc... Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai changé un petit peu, puis il fallait que j'élève vraiment mes enfants. Je ne pouvais plus me permettre d'avoir des dents de scie. Est-ce que t'es parti en banlieue pour élever tes enfants? Non, j'étais à Paris. Puis okay. Après, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison en campagne, pas très loin d'ici, là, tu vois. Et donc, en fait, je ne pouvais plus avoir des dents de scie, si tu veux. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire... pas mal de choses pour les télés, tu vois, plein. Ça, c'est très payant quand même. Ça m'a permis d'élever mes enfants. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est quoi, la production, la réalisation? Les deux, c'est-à-dire en fait plein de musique pour la télé, pour TF1 pendant 15 ans, tu vois. J'aimais même encore la météo, je crois qu'il y a encore de moi qui passe là. Okay. Pour RFM, pour Eurosport, pour ZDF. Il y a des revenus à chaque... Chaque diffusion. Ok. Mmh. Alors, c'est bon. Et puis si tu veux, c'était aussi... J'ai fait ça aussi parce que si tu veux, j'étais un peu coincé, c'est-à-dire que dans ma carrière solo, c'était pas évident à la mesure où il y avait Étienne et que les portes m'étaient pas ouvertes. Ouais. Et que, si tu veux, comme j'étais pas en très bon terme avec lui à cette époque-là, j'avais rien à espérer. Donc il fallait absolument que je trouve... Tu fasses cavalier seul. Oui, j'étais obligé, quoi. Si tu veux, il fallait que j'élève mes enfants. Et comme tu le sais... C'est pas facile aujourd'hui. Non, c'est difficile. Au niveau monétaire, tu en as deux? Trois, ok, ouais. Alors plus t'en as, plus c'est de travail, ouais. Mais en même temps, c'est une école, travailler sur les jingles, travailler sur... Ah oui, c'est vraiment une école, ouais. Tu vois, j'ai fait ça pendant... Enfin, j'en fais encore, hein, ça m'arrive encore d'en faire. C'est très court et très payant. Donc, oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est la récurrence qui fait que, tu vois, ça n'arrête pas de passer, quoi. Ouais, ah, oui. Ça n'arrête pas. Et c'est ce qui aide. Ouais. Pour faire rentrer les sous dans la caisse. Enfin voilà, c'était ça. Mais il faut penser en même temps, au beurre qu'on passe sur le pain. C'est la musique à l'image, j'aime bien ça aussi. Ok. J'ai acquis une science, en fait, si tu veux, pour un rendu assez immédiat. Je savais assez bien faire ça. Enfin, regard et oreille. Oui, c'est ça. C'est très lié. Hein. Ouais. Bon, la musique, c'est des couleurs, d'abord. Ah, t'es comme Yann Péchin qui disait ça récemment, qui disait que... plusieurs chanteurs ont pas de connaissances musicales, mais ils disent « fais-moi un bleu, fais-moi un rouge, fais-moi un jaune ». Tu sais, moi, on travaille toujours sur logiciel. Et mes logiciels, souvent, je fais des palettes. Et en fonction de des instruments que je vais mettre, si tu veux, je fais des... Voilà. Et si tu veux, ça doit être harmonisé. Okay. Si ça ne l'est pas, ça ne sonnera pas bien. Okay. Je le sais. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui... Voilà. Peu importe les couleurs, mais il faut qu'il y ait une harmonie. Est-ce qu'il y a des styles qui te rebutent un peu plus et que tu veux pas fréquenter? Ou si tu es ouvert à tous les styles musicaux? J'ai toujours eu un petit peu de mal avec le metal music. Puis le punk, tu te sens à l'aise avec le punk? c'est pas là, le punk, c'est assez marrant. C'est vraiment, c'est, si tu veux, c'est du rock accéléré, aussi du rock un peu brutal. Tout ça, ça me va, quoi. Ouais, ça peut. Il y a des trucs que j'adore, ouais, en fait. C'est vrai. J'ai eu la chance de voir Clash à la grande époque. J'ai vu Jam. J'ai vu. Enfin, tu vois, c'est pas prog, quoi. Les Stooges, non, jamais. Ok, non. Ok. Non, David Bowie, oui. Oui, les Stooges, je les ai vus il y a 3 ans à l'Olympia. C'était quelque chose. Ça devait être quelque chose. 73 ouais. ans, Iggy Pop, je me disais, est-ce que mon grand-père pourrait faire ça? Non, mais il est incroyable. Oui. Et aujourd'hui, tu veux te concentrer sur ton album à toi? Alors, après, si tu veux, j'ai continué, tu vois, comme ça. Et si tu veux, même si je faisais des habillages, j'ai quand même sorti 2 albums de façon très, très anonyme. Oui. Et bon, qui ont eu plutôt bonne presse, mais bon, le business étant le business, tu vois, c'est pas... Sur quelle maison de disques? Je te les ai amenés, là, en fait. Ok. Comme ça, je vais te les donner. Oui, ok, parfait. Okay. Hein, comme ça, tu... Et donc là, en fait, si tu veux, bon, j'ai eu un bon accueil presse, tout ça, enfin voilà, des trucs sympas. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens encore ce goût-là d'indiquer, de faire des chansons, comme l'industrie a changé depuis très, très rapidement, en 5 ans, en 5-6 ans, et que en fait, les maisons ne veulent rien savoir des... En fait, si tu veux, c'est un peu ma vie. À chaque fois, je dis, ouais, j'arrête, ça m'énerve et tout. Mais si je fais pas ça, je m'ennuie très rapidement. Ouais. Mais c'est ta vie, surtout. C'est ma vie, quoi. Et donc, si tu veux, pour te dire la vérité, là, je suis sur un nouvel album que je suis en train de plutôt mettre... Je suis plutôt vers la fin, en fait. J'ai quasiment fini, là. C'est ton mixage. C'est même plus que ça, parce qu'en fait, je travaille avec un ami avec qui, d'ailleurs, j'ai déjà travaillé, qui est à l'autre bout du monde. Et en fait, si tu veux, lui est plus mixeur, tout ça. Et les chansons sonnent déjà super bien. Il manque plus qu'un petit peu de studio ici à Paris, un peu d'organique si tu veux, un peu de voix féminine, un peu de guitare, bien qu'il y en ait déjà. Ça sera à l'automne? Je pense qu'il y a, à mon avis, il y a un single qui sortira, oui c'est ça, plutôt vers la fin de l'année, l'album sortirait l'année prochaine. Ok. Voilà. Et tu en es fier? Je crois que c'est pas mal, ouais. Pas mal, oui. Ouais. Ça pourrait relancer ta carrière? Possiblement. Et t'es prêt à suivre tout ce qui va enchaîner ce succès-là? Attends, pour l'instant, oui. Je ne parle pas de succès. Hein. Okay. Moi, si tu veux, j'essaie juste d'être... Mais bon, s'il y a succès, c'est justement la question un peu que je me pose, en fait. Ok, vas-y, c'est laquelle que... Celle que tu me poses, c'est-à-dire, en fait, est-ce que tu es prêt? Bon, de toute façon, à un moment donné, je vais devoir plonger, je vais, tu vois... En sortant un disque, on ne sait jamais la réaction. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, alors, en proposant, tu sais qu'éventuellement... Si tu veux, ça peut arriver, ça veut dire que... Et on souhaite que ça arrive. Bah, quelque part, oui. Bah oui, bah oui. C'est un peu ma vie, quoi. Donc, faire des concerts, voilà, tout ça. Mais en même temps, je veux pas non plus... Si tu veux, je pense qu'il y a un âge pour faire des concerts, d'accord. Mais il y a un âge pour tout, c'est-à-dire, en fait, pour paraître. Et paraître, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Tu vois, genre les télés, enfin bon... Mais là, si le succès se produit, les demandes seront là. Alors, t'es prêt à faire des choses qui te plaisent moins, des télés et... Je suis pas certain, maintenant. OK. Alors, tu peux choisir. Comme Brigitte Fontaine, on en a parlé tout à l'heure, choisis. Je crois que c'est bien de pouvoir choisir. Es-tu du genre à t'entraîner depuis le début? Est-ce que tu es un gars qui marche, qui court, qui... Parce qu'on sait très bien que les concerts demandent énormément. Vas-tu tenir la route pendant des tournées? Tout se pense. Hein. Dans mon cas, je penserais plus à quelque chose d'assez cosy, un peu récital, même si s'il y aura beaucoup d'électronique, tout ça, si tu veux quelque chose comme ça. Okay.

Avec les éclairages. Oui, voilà, c'est ça, ou une mise en scène, bon, des invités. Ça serait intéressant aussi, un peu une rétrospective aussi de tout ce que j'ai pu faire. Ok. Ça pourrait peut-être un peu comme Christophe, un retour sur la carrière. Ça pourrait être ça. Ouais. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Non, tu travailles le studio en studio. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais lorsque tu écoutes tes chansons à venir, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur? Tu dis, oh oui, ça c'est quelque chose. C'est... Je crois qu'il y en a quelques-unes. Ok. Ouais, il y a quelques-unes, je me dis, ça c'est quand même. Et tes enfants là-dedans, lorsqu'ils t'écoutent, comment... J'ai toujours une relation un peu particulière. J'ai jamais essayé de les embringuer dans mes histoires de musique. Alors, ils écoutent pas? Non. Okay. Et en fait, si, ou s'ils écoutent... Si, ma fille, par exemple, je sais qu'elle, justement, elle a des chansons de moi qu'elle adore. Je le sais. Sur le nouvel album? Ah non, sur des choses qu'elle a pu entendre, okay, mais que je ne m'ai pas fait entendre, qu'elle a trouvées sur Internet, okay, ou que ses copines ou ses copains lui ont fait écouter. Ah, mais c'est ton père, écoute. Et donc, mais j'ai toujours été discret. Mais je sais pas, mes fils, par exemple, ma fille, même jusqu'à l'âge de, je sais pas, 8-9 ans, elle savait pas du tout ce que je faisais, quoi. Est-ce qu'ils font un peu de musique? Ma fille jouait bien du piano et j'ai un fils aussi qui joue bien du piano, mais pour l'instant, non, ils sont plus dans les études. Ok, mais tu les forces pas non plus, tu veux non. pas... Tu sais, je crois que les forcer, si actuellement, tu faut surtout pas dans ce sens, parce que c'est tellement aléatoire. C'est surtout qu'un enfant de la balle est toujours jugé beaucoup plus... d'une manière plus difficile que les autres, hein. Oui, puis l'époque est difficile. Oui. Il faut vraiment que ça soit, que ça vienne de toi, que ça soit vraiment une grosse, grosse volonté. Sans quoi ça sera difficile pour toi. C'est parce qu'on réfère souvent aux parents. Quand t'es l'enfant de Gainsbourg et que tu t'appelles Lucien Gainsbourg, on va toujours te comparer. Non, mais je sais pas, probablement il adore la musique, mais il l'a subi aussi probablement. Il aura toujours, tu vois. C'est ça, mais c'est la complexité de la chose. C'est complexe, quoi. Comment enlever le fantôme pour vivre seul la carrière qui... C'est difficile, hein. Oui. Après, il y en a certains. Il y en a certains, genre fils d'eux, je trouve pas ça... Non, qui aurait pas dû. Ouais, enfin, sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, c'est ça. Alors, ils prennent peut-être la notoriété pour se faire un succès. Oui, ou alors, c'est-à-dire, on leur dit, bah écoute, comme, voilà, on c'est a trouvé facile, le truc, voilà, ouais. C'est, non, mais c'est ça, en fait, ouais. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, puis de toute façon, moi, ça me part pas ou pas, je m'en fiche totalement. Et en travaillant ces chansons-là, est-ce que tu as des messages que tu voulais et que tu veux véhiculer, ou si tu... fait dans la variété, tu veux juste que les gens oublient leurs tracas familiaux, l'école. Tu veux dire, est-ce que j'ai des messages? Oui. Ou est-ce que tu veux transmettre des messages ou simplement tu fais de la musique pour faire de la musique? Non, en fait, moi, si tu veux, évidemment, il y a forcément des messages dans certaines chansons. Mais pour moi, si tu veux, une bonne chanson, c'est vraiment l'équilibre bien entre les mots et la musique. L'un sert l'autre. Tu vois, c'est vraiment un fil tendu sur lequel tu te déplaces. Et quand ça, c'est réussi, c'est bon. Peu importe ce que tu vas dire. Tu peux même chanter n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, le message est pas important. Il y en a. Subliminaux. Ok. Moi, j'aime bien... Toujours les métaphores. Oui, c'est ça, quand il y a toujours un peu d'humour derrière qui se... L'humour. J'aime beaucoup ça. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça, l'humour te permet de... L'humour dû au jeu de mots. Aussi, oui. Au double sens. Au double sens, au triple sens, au truc qui se rencontre, qui tu se... Tu tricotes. Avec ouverture. Ouais. Pour voir ce qui se passe au travers. Voilà, évidemment, ouais. C'est vraiment ça que je fais. Ouais. Parce que c'est super important. Hein. Une bonne musique, une bonne mélodie sans un texte qui va avec, c'est perdu. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson reste à toi au lieu d'aller à un autre chanteur ou à une autre chanteuse? C'est difficile à répondre. Peut-être que j'ai eu peur pendant un moment donné de ne pas que le puits s'épuise, si on peut dire. Qu'il reste plus d'eau. Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est marrant parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à donner mes chansons. Je sais pas pourquoi. Alors que je suis pas vraiment. Ça m'est arrivé d'en donner. J'étais surpris par les interprétations, quoi. Tu vois. Mais enfin voilà, quoi. Tu vois, ça me. Je sais pas pourquoi. Félix disait quelque chose. lorsque le puits donne du sable, lorsque tu vas chercher ton eau, tu laisses tranquillement les choses aller. Et lorsque tu replongeras ton seau, il ne ressortira que de l'eau limpide. Félix ouais, Leclerc. C'est, ouais, Félix Leclerc, c'est joli ça. Mm. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est marrant, ouais. Et lorsque tu n'as plus rien à dire et tu es du genre à attendre ou à te lancer sur la mélodie au lieu des paroles? Si tu veux, je pense que c'est un peu comme une terre. En fait, elle est fertile parce qu'on la laisse aussi un petit peu à des moments s'amender, se reposer tranquillement. Ouais, mais il faut se reposer. Et en fait, t'es obligé. Donc, il faut que tu. Après aussi, ce qui est pas mal aussi, c'est de façon tendue, quoi. Ça peut être intéressant aussi parce que t'es au pied du mur et moi au pied du mur. T'es très, très. Ouais, bah oui, il faut faire. Ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'on doit rendre quelque chose. Voilà, c'est donc ça. Donc, la création doit apparaître. Ça vient tout de suite. Ouais. Tu me disais que t'étais un garçon de nuit avant tes enfants, avant l'arrivée de tes enfants. Aujourd'hui, lorsque tu crées, est-ce que c'est le matin? Très tôt. Je reste plus. Je suis pas tellement du matin, en fait, pour te dire la vérité. Là, en fait, à cette heure-ci, c'est convenable. Ah oui, ça va. Mais si tu veux, généralement dans la musique, si tu veux, quand par exemple tu travailles sur des, bon, il y a des choses un petit peu techniques à faire. Et ça, je le réserve plus au matin. Mais si tu veux les choses imaginatives, tout ça, c'est beaucoup plus le soir, quoi. Tu vois, je m'en aperçois le soir. Ok. Ouais. Parce que c'est là que tout est sans disposer. C'est là où, en fait, j'arrive à avoir une synthèse de ce que j'ai fait assez juste, de ce que je veux, en fait. Comme un chapitrage. Ok, ouais. Voilà. J'ai 10 questions de la fin, on va voir où ça nous amène. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oh, du vin rouge. Lequel? Oh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme vin rouge? Je prendrais peut-être un vin de Loire, parce que ma famille est un peu de la Loire aussi. Alors, c'est un peu... on se sent presque obligé, nos racines nous appellent. C'est ça? Ouais. C'est les racines? C'est les racines, ouais. À quelle heure le vin rouge, à peu près? À quelle heure le vin rouge? Pas avant 8h, 8h30 du soir. Ok, ah oui. Si tu étais une ville... C'est difficile à dire, il y a beaucoup de villes que j'aime bien, mais j'aime beaucoup Londres. Parce que t'es né pas très loin. En fait non, j'aime bien Paris, j'aime bien le mix de Paris, parce que regarde, Paris c'est ça, c'est la lumière. C'est beau, hein. Quand tu vas, tu vois, t'as de la lumière. Ah, ouais, quand ouais, tu vas à Londres, c'est rouge. Ah, c'est ouais, super ouais, agréable, mais t'as pas de lumière. La lumière est réfractaire à Londres. Ah, mais ouais, j'aime bien Londres parce que tout y est possible, parce que voilà. J'adore cette ville en fait, je m'y sens parfaitement à l'aise. As-tu déjà visité New York? Une fois. Ok. Une fois, ouais. Je connais pas bien en fait, c'est pour ça que je ne... Après je connais d'autres capitales, mais... Si tu étais une langue? Une langue... En fait, probablement l'anglais, oui. Mais le français aussi, les deux. Parce que comme je suis normand, si tu veux, beaucoup de la langue anglaise, ça m'intéresse énormément en fait les subtilités de la langue anglaise par rapport au français. Et pourquoi les Anglais disent comme ça? Parce qu'en fait ils ont puisé leur origine dans le français, tu vois, pour, voilà tout ça. Donc les deux, la mixture des deux m'intéresse particulièrement. Est-ce que ton prochain album sera mi-anglais, mi-français? Non, il est parfaitement français. Ok. Mmh. Et tu tiens à ce que la langue française soit... Soit présente dans tes albums? Mais c'est-à-dire, en fait, je pense parler pas trop mal anglais, mais si tu veux, je parle français tous les jours et c'est vraiment ma langue et c'est là où je dois m'exprimer, quoi. Après, ça m'intéresserait presque plus de chanter en italien ou en espagnol ou en japonais pour m'amuser, quoi. Oui, oui, oui, le japonais, surtout apprendre le japonais, c'est une histoire d'une vie. Non, mais en phonétique. Oh, oh, oh, oh, oh. Et si tu étais une époque? Moi, je dirais la fin du 19e, début 20e. Voilà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Parce que tout. L'artiste, l'art. Ouais, l'art, effectivement. Les peintres. Tout était là. Les musiciens. À Paris, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Extraordinaire. Aujourd'hui, ouais. on a des idées encore de cette époque-là. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Alors, ça, c'est très difficile, un mot. En fait, c'est un verbe que je dirais juste parce que, en fait, voilà, je dirais j'aime. J'aime. Mmh. Parce que j'aime être positif. J'aime être positif. Mmh. Oui, c'est. J'aime, c'est beau, en fait, j'aime. Oui, oui. J'aime. Oui, c'est vrai. Plutôt que de dire. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui dans notre société. Un peu d'amour. Un peu d'aide. Aimer sans juger. Aimer sans juger. Juste aimer, dire voilà, et enfin, tu vois, qu'on se. On se sert tous plus un peu les sans être complètement baba, mais le dire quoi, parce que je crois qu'on en souffre, on va en souffrir de plus en plus. Et le dire souvent à nos enfants aussi. Ah, il faut le dire, ouais. Ouais, parce que c'est quand même gratuit, ça fait plaisir à recevoir. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, quand on est des enfants, on doit le... On doit leur dire. Oui, on doit pas oublier que nous, on aimait se le faire dire. Donc, il faut... si tu étais une saison... Oh, le printemps, assurément le printemps. C'est moins chaud, hein? C'est juste ce que j'aime, c'est-à-dire, en fait, c'est l'éclatement des couleurs, c'est juste la demi-teinte, c'est la... Justement, c'est les nouveaux assortiments, enfin, c'est le printemps. Quoi. C'est la renaissance. Ouais, c'est la renaissance, j'adore. Ouais. Et j'adore. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Surtout chez nous, après un hiver... Chez vous, qui plus est. N'avais rien de César, mais tu m'as reconnu. On s'est dit oui, ça doit être cela. Nous ne faisions qu'un il y a longtemps de ça. En vérité, un vase foutoir de fou fortune, c'était pas fortuit. Varuna ou Karma. Varuna ou Karma. Destinée complexe de deux ex, vue d'un miroir convexe. D'une belle adonne et d'un jeune homme, comme dans les posters d'Hamilton. La boucle est bouclée, mais ça me défrise de penser qu'il y a des lustres. Des entrechats, mes entrejambes, spasé le mot, se connaissait déjà. Varuna ou Karma. Varuna ou Karma. De siècles et de siècles. Ça va bien? Oui, ça va bien! Hey, normalement, à 2 heures, normalement, l'émission serait terminée. Mais là, l'émission ne sera pas terminée. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un très beau bloc à suivre. Et puis, le cheminement chronologique n'est pas aujourd'hui respecté. Tout simplement parce que nous avons entamé, madame, mademoiselle, monsieur... Le pré-radioton de CKRL est très important. Je le répète. Le pré-radioton de CKRL. Donc, je suis une sorte de locomotive, comme je le disais au début de l'émission. Si vous avez suivi depuis minuit, bravo. Les autres, faites du rattrapage à la maison. Ouvrez votre manuel scolaire. à la page 17, verset 3, alinéa 6. Et c'est écrit en petit, un peu comme quand tu signes ton assurance vie, là. En tout petit, tellement petit que ta lunette n'est pas capable de lire. Même ta loupe peut pas grossir aussi. Mais aujourd'hui, avec le laser, tu te fais avoir. C'est écrit. Blanc sur noir sur noir. C'est écrit. Avec de l'encre de Chine venue de Québec. Ça n'a pas passé les douanes, ça, là. Hein? C'est une recette chinoise. Comme le pâté chinois, c'est une recette de chez nous. Donc, l'encre chinoise, hein, ben, c'est fait comme ça. Avec, bien sûr, une petite goutte de notre saveur, hein, comme la ceinture fléchée, là. C'est quelque chose d'inédit qu'on peut pas parler, on peut pas le dire. C'est comme le petit gring dans la sauce, le gring qui dit Mais qu'est-ce qu'elle épice? Quelle épice? Quelle épice t'as-tu mis là-dedans? Hein, bon, c'est laquelle? C'est le roseau sauvage! Ou c'est la guétane brise-bois? Ça goûte plutôt. Non, c'est plutôt la sauvageonne, hein? Ça reste sous la dent. On dirait que ça pète la prothèse. C'est piquant en ananas. Hein? C'est sput, mais on peut pas dire. Mais il faudrait même pas appeler ça piquant! Ça vous drille le palais, madame. Ça vous la chaîne, monsieur. C'est des uppercuts constants. Uppercut. C'est le Mexique. Tout ce qui est mexicain, c'est de la blague. C'est de la fa... Oui, c'est... Fa... Oui, bien, exactement, madame. Oui, c'est un trait de forfait. Et voilà, c'est de l'humour absurde. Assurez-moi ça. Ben ouais, voilà. Bravo. Et lorsque vous êtes pas prêt, donc vous mangez ça comme si vous mangez n'importe quoi, vous avez oublié l'essentiel. Le verre d'eau. Avec beaucoup de glace, parce que le froid coupe le goût. Coupe la piment, le côté explosif. Donc, éteins le feu, le volcan, la torche humaine qui vient d'entrer dans ses 72 dents bien serrées en disant « Oh, faut pas que je lâche. » Là, tu veux pas souffler. Sinon, tu vas mettre le feu à ton appartement. T'es pas assuré parce que tu sais pas lire les petites lettres, les petits mots. Tu veux pas te faire avoir parce que ça fait depuis ta naissance, tu te fais avoir. Tu t'es, à un moment donné, tu dis, je vais vivre ma vie adulte. C'est-à-dire que hein, je vais prendre le taureau par la, hein, par la jument. Oui, prendre le taureau par la jument. C'est pas nouveau, non. Non, dans les campagnes profondes, on faisait ça. Mais c'est bien sûr que ça s'est pas rendu dans les villes. Faut garder le mystère de la campagne, là. Puis aujourd'hui, c'est pas la petite campagne, là. Tu t'en vas avec ta voiture, là, puis il y a deux, trois petites garnottes hein, sur le bout du chemin. Puis tu dis, oh, ouais, attention, là, on rentre dans les rangs. Et à l'époque, rentrer dans les rangs, là, c'était pas les rangs militaires. Tu savais pas si tes héros allaient suivre, là. Tu voulais même pas marcher là-dedans parce que ta semelle, comme disait mon ami, on parlait de lui, attention, on parlait de Rimbaud, comme étant l'homme aux semelles de vent. C'est ça que tu voulais avoir, toi, des semelles de vent, mais comme t'avais pas de vocabulaire, ou si peu, à part de blasphémer après tes enfants, crier après ta femme, pour lui dire que leur pas était pas prêt, ou c'était froid, ou pas mangeable. C'est ça, ouvrir un lit, Madame Thibodeau, et s'attarder à Rimbaud, l'homme aux semelles de vent, ça vous aurait permis de marcher sa garnotte, mais même pas de marcher. Parce que là, on parle pas de... Non, on parle pas... On parle, c'est une manière de parler, madame. On aurait évité... de toucher le sol. Donc, on se serait mis à léviter. Wouh! Léviter. Un peu comme la soucoupe volante que je me suis construite moi-même cet hiver, que je vais mettre bientôt sur le terrain. Ça, c'est une soucoupe volante. On peut pas vous en parler davantage puisque c'est un mystère. Ben, un mystère, c'est pas un mystère, mais c'est un secret. Dans un secret, vous allez me dire, le mystère est pas loin et vous avez tout à fait raison. Deux morceaux de robot, vous allez gagner. Vous êtes trop intelligente, vous, là. Faites attention. On va venir vous chercher. Les gens qui en savent trop, c'est pas bon. L'ignorance a toujours une place. Restons ignorants et heureux. Ça va, toi? Ah oh, oui! Toi, on voit bien que t'écoutes pas 5KRL. Il n'y a pas de TV. Oui, c'est KRL TV, ouais. T'es branché, je sais pas sur quoi, mais t'es pas branché sur l'intelligence. Ça doit être artificiel, cette affaire-là. Artificiel. Synthétique, artificiel, c'est similaire. Similaire. Ah, similaire. Il est passé, mais je vais pas répondre. La porte, la sonnette sonnait pas. Et ça, c'est bon d'avoir une sonnette qui sonne pas. Tu devrais indiquer au moins aux pauvres personnes qui veulent communiquer avec un insignifiant comme toi, ne sonnez pas! Frappez! Frappez, non, non, non, pas de frapper, non, non, toi, écoute, faut t'aider dans la vie, là, on sent bien que ça laboure, ben, t'as bien voulu labourer, mais là... Y'a plus rien à faire. C'est KRL télé. Mais non, c'est KRL, c'est pas la télé, c'est la radio. La première. Puis là, le bonhomme de flagrance maladienne, maladive, là. L'errant, comment tu les appelles, ces gens-là? L'errance nocturne, là. C'est bien à 2h08. Y'en a plein de monde qui marche sans aucun but. Dans les soins hospitaliers palliatifs. Ben, peut-être pas palliatif, mais dans des corridors qui attendent leur place, la personne âgée. T'attends ta place, toi? Hey, attendre sa place, ça fait peur. T'as travaillé toute ta vie pour attendre ta place. Hey, j'ai le goût de l'attendre, moi, là. On a le temps, on va l'attendre, ta place, toi, là. Ça fait combien de temps? 2 ans et demi que t'attends ta place. C'est à quel endroit? Oh, c'est... OK, parce que c'est public, c'est pas privé. Oh, OK. Tout le monde va aller là. Parce qu'il y a 2 repas par jour. Papier hygiénique illimité. Couche illimitée. Ben, c'est bon, ça. Ben illimité. Bon, ben, écoutez. À combien? 2 par année? On décape-tu, Non, ben, j'espère qu'on vous décape la croûte. Hey, aux 6 mois, il doit avoir un genre de fumée. Vous êtes... quoi, c'est une chambre camembert, voilà? Hey, on les respecte-tu, nos vieux? Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Moi, là... Ouais. T'attends ta place? Attends. Sèche. Là, mais certains là-dedans, la grande joie, c'est de les voir mourir. Au moins, il est mort. Bon, ça va laisser la place aux autres. Il est mort en attendant. J'espère que ça n'arrive pas souvent dans... tu sais, t'es à l'arrêt d'autobus. Qu'est-ce que tu fais? J'attends l'autobus. OK. J'attends ma place dans l'autobus. Et oh, monsieur, si c'est plein, je vais attendre l'autre. Puis si l'autre, c'est bourré, comme on dit, bourré bien dur. Bourré bien, ben, je marcherai. Mais t'as-tu la semelle Rimbaud? J'ai bien beau avoir la semelle, mais ça vole pas, ça, là. Ça vole pas, puis ça a jamais volé. Même moi, là, c'est underground. Ça tend, ça creuse dans le sol. Moi, j'ai plus d'amis qui sont dans l'intraterrestre que dans l'extraterrestre, voilà. Puis je cherche beaucoup plus les gens qui sont en dessous du noyau, parce qu'il y en a de la place en dessous du noyau, puis surtout dans la croûte du noyau. T'as raison, mais Raymond, t'as raison. Puis juste pour ça... Hey, monsieur, il y a du monde là? Ça, OK, ça, c'est en direct des... Ça, c'est les grands préparatifs du Radioton, ça, là. Il y a du monde là-dedans. Il y a du monde là-dedans. Là, je voulais faire une improvisation sur une phrase de Charles Bukowski. Mais j'étais comme le camembert, le fromage, là. Je me suis étalé. Donc, on poursuit la musique, puis on reviendra peut-être à Bukowski. On sait pas. Yeah. n'est pas encore une chanson d'amour. C'est une chanson sont beaucoup mieux que ça. C'est un hymne à beaucoup plus flash. C'est une chanson sur la lumière. C'est une chanson sur les détails. La nervosité c'est bleu dans ce que tu me touches, que tu me passes. Québec, non, février. jamais. J'ai jamais été, en fait, dans votre... Montréal, non, francophonie, jamais. Jamais, non, jamais. Avec Étienne Dao, t'as pas joué j'ai... du clavier? Non, j'ai jamais... ça s'était annulé au dernier moment, je crois. On devait les y aller. Francophonie, oui. Vous étiez demandé au francophonie. Et je crois qu'il y a eu un problème de... entre la France et Montréal. Et Montréal, oui. Ouais, il y a des artistes qui ont dû... dont Les Garçons Bouchers, un groupe un peu plus... tu connais? Oui, je connaissais, okay. Ouais. Donc, oui. Je connaissais bien. Ouais. Si tu étais un membre corporel... Mes oreilles. Qui capte tout. Tout. Qui se transforme en GPS, pour être actuel. Non, mais c'est vraiment, ouais. Les oreilles. Alors, tu peux marcher les yeux fermés et en faisant attention pour comprendre, pour voir, pour entendre sans voir. Donc, il n'y a pas de préjugés. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais j'entends vraiment. Mais ça m'arrive souvent de le planter et de ne pas parler. C'est merveilleux. Je ramène ça au Québec, je regarde ça. J'écoute ça au mois de janvier et je revois le... C'est bien, ça. C'est vraiment la magie. Si tu étais un moment de la journée... Alors, tu vois, par exemple, une journée comme celle-ci à partir de 19h30 dans une terrasse. OK. C'est pourquoi? Parce que c'est convivial, c'est les convivial. Gens arrêtent de travailler. Voilà, c'est ça, c'est justement le partage et c'est amical, c'est la relâche, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a moins de tension. Ah ouais. Si tu étais un autre individu... Si j'étais un autre individu... Il y en a tellement. Tu sais, vraiment, il y en a tellement. Je pourrais te dire des musiciens, je pourrais te dire des peintres, je pourrais te dire des humanistes, je pourrais te dire... un autre individu. Alors je serais mon grand-père, par exemple. Ah oui? Qu'est-ce qu'a fait ton grand-père pour te... Mon grand-père était quelqu'un de, contrairement à moi, extrêmement adroit de ses mains. Ouais. Et qui a trouvé pas mal de choses qui ont toujours cours maintenant dans le monde entier. C'est-à-dire, par exemple, il était horloger bijoutier. Et si tu veux, il a inventé une machine, par exemple. Avant, si tu veux, enfin c'est un peu technique tout ça, mais on démontait les montres par en dessous et on enlevait tout le mécanisme pour tout nettoyer. Et lui, il a trouvé juste une pince qui enlevait le verre et qui permettait d'avoir recours. D'aller travailler. Ouais. Et partout j'ai été dans le monde, partout il y avait le... Tu vois, j'étais au Japon, il y avait ça. Voilà. Est-ce qu'il y a le brevet? Est-ce qu'il y avait le brevet? Ah, oui, il y avait le brevet. Ok, bon. Alors, La famille est heureuse. Enfin non, mais... Ça s'est perdu parce que je crois qu'il a vendu, je pense que c'est des Américains qui ont... Okay. Qui Est-ce qu'il y a eu d'autres idées comme ça aussi Écoute, quand il est décédé, il travaillait sur le vélo électrique. À quelle année? Oh, c'était en 1978-79. J'ai un scooter électrique. Tu vois? C'est merveilleux. Ouais, ça va pas rapidement, mais ça va où ça doit aller. Donc il avait compris tout le comment faire. Est-ce que ça allait. En plus, le problème environnemental que le gaz allait donner. Lui, il pensait beaucoup plus à la facilité, tout en restant à vélo, à la facilité pour moins d'efforts et toujours faire du vélo. Et voilà, c'était ça, en fait. Mais un scooter électrique, c'est le silence. C'est le silence, oui, c'est vrai que t'as le silence. Tu roules et t'entends rien. Il n'y a pas de moteur. Il y a un moteur, mais électrique, donc il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. C'est juste les roues sur l'asphalte. Et c'est pour moi. C'est pas mal. Ah, c'est merveilleux. Ouais, non, ça coûte rien, trois fois rien. Il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a rien. Et à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ouais, je pense parce qu'en fait, parce qu'on est comme on est, et que quelque part, j'ai peut-être raison de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, en fait, pour moi, comme je te l'ai dit au début, ce qui est important, c'est d'essayer d'être le plus juste possible, d'essayer de faire les choses les mieux possibles qui te plaisent, même si ça te coûte, même si c'est pas forcément l'ascenseur, c'est plutôt le chemin comme ça et qui est un peu compliqué. C'est un luxe. Non, c'est un choix. Un choix. Que je subis aussi, mais qui est plus fort que moi. Et qui est devenu avec les années presque un luxe parce que. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai quand même cette chance de vivre encore de ce que je fais, quoi. Tu vois, dans cette époque. Plus personne ne sait où il habite, ne sait ce qui se passe. Est-ce que ça te tracasse? Est-ce que ça vient te chercher? Ça me tracasse un peu parce qu'en fait, pour mes enfants, même d'une manière générale, je ne vois pas l'horizon. Quoi. Tu vois, si tu veux, à une époque. Ici ou partout? Ici en tout cas. Et l'horizon, pour l'instant, il est toujours un peu obscurci. Enfin, je parle même pas de moi, je parle de manière générale. Je trouve que, à toute époque, j'ai toujours vu l'horizon, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir, tout ça. J'ai toujours de l'espoir, beaucoup d'espoir, mais tu te dis, que va-t-il se passer? C'est quoi cette époque? À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous amener? Que va-t-il se passer? On en est où dans la... Enfin voilà, quoi. Tu vois, je me pose ce genre de questions. Mais surtout en voyant tes amis artistes des années 80, aujourd'hui peut-être... perdu dans sur notre planète dû au fait que le téléphone sonne plus et l'argent n'entre plus, ça quand même pour toi ça doit être quand même assez terrible. C'est terrible. Mais t'es obligé de te multiplier, d'avoir plein d'activités différentes aussi pour. Tu vois, je travaille par exemple aussi sur une comédie musicale. J'écris des chansons pour une comédie musicale là actuellement. Okay. C'est vraiment bien la première fois, mais je suis obligé de. Avec quelqu'un qui s'appelle Bruno de Stavenac, qui est un écrivain, qui est une personne formidable, voilà, que j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. Et c'est inventé ou si c'est sur complètement chose? Inventé. Okay. Et c'est les débuts, là. C'est les débuts. C'est embryonnaire. Ça commence à être. Est-ce que vous rencontrez plusieurs fois par mois pour travailler sur le truc? Avec régularité, une fois tous les 15 jours. Quoi qu'avec Internet? Et on échange. Mais c'est important aussi les rencontres pour pouvoir échanger. Et surtout pour créer l'osmose. Voilà, il y a deux autres personnes aussi qui s'appellent Guillaume Stirne et Renaud Stirne qui écrivent aussi des musiques. Donc je ne suis pas seul, donc on est une équipe. Voilà. Alors tu sens qu'il y a quelque chose là-dedans? Je sens qu'il y a quelque chose. C'est intéressant en fait. C'est ça. Je pense que ça va être marrant. Ouais. Mais tu es constamment en mouvement? Il faut. Volontairement ou si c'est les projets qui arrivent à toi et tu te dis ben, pourquoi pas t'embarques dans plusieurs projets? Je crois qu'il faut faire les projets. Hein. Une époque, j'ai refusé vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai toujours refusé, moi, en fait. As-tu regretté certains choix que tu as fait? Un choix qui est devenu, à un moment donné, très, très... très populaire, très payant. Oui, il y en a certains, oui. Ouais. C'est chiant, hein? Ouf. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas regretter. Non, il ne faut pas regretter. Non, je ne regrette pas. Et ta relation avec Étienne, est-ce qu'elle est encore frileuse ou si vous êtes... Parce qu'on sent qu'il y a eu, si on se réfère aux médias, il y a eu des va-et-vient, des moments où t'es mon ami, on s'éloigne. Parce que vous êtes deux impulsifs, donc... il se passe des choses lorsque vous vous rencontrez. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Il y a des déchirures. Ouais. Bah, Étienne, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu, bah, c'est ça, c'est l'expression de Dany qui avait prise Gainsbourg, c'est je t'aime, moi non plus. OK. Voilà, t'as okay. Tout dit. Et actuellement, c'est plus je t'aime ou moi non plus? C'est les deux. OK. Ça a toujours été comme ça. OK. Tu vois, c'est ça. Ben, merci de m'avoir rencontré. Mais pas de problème, avec plaisir. Hein, écoute, Arnold, le public écoutait tes chansons dans les années 80 et 90. Écoutait sans savoir que c'était toi aussi souvent à travers d'autres chanteurs et chanteuses. Et à mon émission, nous allons révéler tout ça et mettre et sortir l'ombre afin de l'éclairer le plus possible. Alors, je te merci. Tu m'avais demandé, donc je te les donne. Et je te ferai parvenir mon album quand je... À la fin, en 2016. Voilà. Donc voilà. Cet album-là, qui est sorti en 2007. Hein. Merci. Et celui-ci qui est sorti en 2010. Ouais. OK. Hey, merci. Et je m'occupe de payer tout ça, ne t'en fais pas. Non, non, mais ça va. Ça fait plaisir. Ah, mais c'est bien. J'ai bien hâte d'écouter ça et de faire partager. Et est-ce que tu as des chansons qui te plaisent davantage, que tu voudrais que ce soit qu'ils soient diffusées? La première, tu vas voir, c'est vraiment une... Elle est très courte, elle est assez marrante. OK. Moi, j'aimais bien la 4, mais Hilary, tu vas voir, c'est assez marrant aussi, tu vas reconnaître. Enfin, il y en a pas mal d'assez marrantes là-dessus. Bon. Alors, la majorité. Alors... Le nom, mais celle que je t'ai dit, là, tu vois. Okay, ouais, la 1, la 3, la 4. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, même la 5, tu vas voir, c'est marrant. OK. Ouais, bon, voilà. on peut pas choisir nos enfants. Et l'autre, bah, en fait, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est même pas moi qui la chante, ça s'appelle Mon bel oiseau. OK, c'est pas toi. Oh mon Dieu, c'est vraiment gentil de la part de l'interprète. OK, Mon bel oiseau. Bah, écoute... c'est moi, mais moi, je chante à peine, tu verras. Nous allons nous envoler sur ces paroles. Voilà. Merci. Hein, bon, bah, écoute... J'aimerais prendre des photos, si ça te dérange pas. Si tu veux, ouais. OK. Juste deux, trois, puis... Non, mais ça va, il n'y a pas de souci. Et bah, si tu veux, je vais me mettre là plutôt, non? Non, n'importe où, peu importe. Mais moi, je close. Ah, d'accord, ok, mon bar. La vie, c'est n'importe quoi, c'est la fête.

fumer le zip alors. Le zip, c'est-à-dire? Le retardataire. Oh non, pas du tout. Oh non, non, à la bonne franquette. Ah d'accord. Ok, bon y va. Ah, t'es grand toi? Attends, dernière pour la route, ok? Vas-y. Ok. Merci. Super. Merci Arnaud. Je t'en prie. À la voyure, puis j'ai hâte d'écouter ton album en 2005. Donc ben, en fait, tu pourras commencer en vers la fin de l'année. Ok, voilà. Parfait. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.